Et nous saluons tous nos amis de la Voile d'Or, s'il vous plaît, qui sont parmi nous ce soir. Alors là, je vous rappelle tout simplement, samedi prochain aussi, à la Voile d'Or, à partir de 19h, un dîner dansant. Le menu, c'est à 20 000 francs, CFA. Donc là, c'est en matinée jusqu'à minuit. Ça va continuer, je ne sais pas, ça va continuer en soirée. Et je vous rappelle tout simplement que Balangay sera là-bas. Il y aura aussi Papal, Maguette Sindion, Balassidibé, Bassar. Donc, c'est à 20 000 francs le menu. Venez dîner avec nous, s'il vous plaît, à la Voile d'Or, le samedi prochain, le samedi 19. Voilà, Amadou Fall est là parmi nous, parmi ses invités, Amadou Kane Diallo. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Et je vous rappelle tout simplement, le samedi prochain aussi, Bala sera là, ici. Une manière de terminer l'année 2012 en beauté avec nous. Il sera là, bien sûr, au Caliman. Venez vivre l'événement à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin avec l'orchestre Sarsa Vision. Merci. Soukarim. On se dédie à Amadou Fall et ses invités.